Ça. C'est parti, et comme chaque dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case pour Rise Supreme. Comment ça va? Très très bien. En forme? Eh oui, un long week-end de soirée. Et on est à 7 jours surtout de la sortie maintenant. Exactement. J-7, ça y est, le compte à rebours est enclenché. C'est ça, le 15 juin dans les bacs, Paris en New York 2015. Donc lundi prochain. Lundi prochain, voilà. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver alors? Combien de morceaux? 32 titres, 32 inédits, avec la crème de la crème. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en précommande à partir de ce soir. Donc là maintenant, on peut l'avoir en précommande tout de suite. On peut le commander tout de suite. Avec le gros morceau notamment qui tourne sur Skyrock, le morceau Juguniji. Juguniji. Yeah. Toujours un peu dur à dire, mais une fois qu'on l'a en bouche, c'est parti. Bon, on peut attaquer ce Rise Supreme. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Je vais balancer encore des inédits. Mm-hmm. Et puis voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. La semaine dernière, je crois, on est en top tweet. Donc on va essayer de faire pareil encore ce soir. Balancez le hashtag Rise Supreme sur Skyrock. DJ Case au contrôle, coup d'envoi. Dimanche soir, minuit, une heure. C'est Rise Supreme en direct sur Skyrock. Moi je suis Sama, ça dit quoi? Tu vas où? Ça dit rien, frère, et toi? Bah moi je vais au Maroc, hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais, hein. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah ouais, mais c'est la hasse, gros, j'ai que 10 euros. Quoi? Va-t'en. Seulement sur Skyrock. Algérien, j'ai le drapeau facile. One, two, three, let's go now. validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Copico à la main, carré sous les palmiers. King. Elle, c'est nous. Et seulement sur Skyrock. Mon but c'est les deux tubes, mais qu'est-ce que tu crois là? Je vais faire des deux tubes, en deux tubes, en voilà. J'arrive dans le club, bitch, happy birthday. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Je vis que la maille. DJ Case n'a pas le temps. Il vit que la maille. C'est pas ma bif, j'ai pas le temps. Suprême en direct sur Skyrock. L'Algérie Nord 2015. Oriental Dream Heavy. Ingénieur du son, Néné. Nasri à la manigance. Ah ah. Hey. J'suis dans mon bolide. Body every. Achaya la police. Attache les ceintures, on est nickel. On est les princes de la. C'est la ceinture élevée, on a le sang chaud, Algérie en danger. Oriental Dream 2015, c'est l'Alger. Ce soir c'est cabaret, cabaret, Habel Baro d'Ul Carabina. Je fais danser les Samira, Khadou, j'ai même Katarina. Hey wa, Yaz dans la poche, on est là, mon son tourne dans les caisses et dans les bois. Je suis dans mon bolide. جيوم سلهوم بلادي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا طير كي الحمامة هادي بلادي نقول حو النادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي ونغمتها انا بلادي بلادي نقول حو النادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي Entre Mohamed, Moussa et Abed. Fier d'être la fierté de mon père. Salut au président, ça tourne dansant. Comme dansant, piançant, j'ajuste la crosse en dansant. Pensant au notre pays, si avant la stupide. Ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gares on s'éternise, on frappe à valer du râle. On est plus à s'éternise, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire ou t'admirer. Je menace, pas après, je m'en irai. Vivant, on y pète devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend l'histoire. C'est un pétard, les ceux qui en France. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à ta l'infini. Tu sais que j'ai des chèques, des chèques. J'ai fait le fou, scred sur le parking, ouvre le coffre, sans la table. J'suis sur le phaser posé, la chaleur dosée, c'est pas leur causé. Pas d'erreur sur la liste, pas de l'ambrosé. Pas de tumeur sur la piste, viens son man et DJ Kaiser Sosé. Les darons galeries, fini les gosseries. Ce soir tu deviens un homme, les années passées comme c'est terminé les conneries. C'est mon mariage. Yo wesh ya khay, ya mabrouk alik. Ya rabbi mana farhana bika. Ma shafti mabrouk alik. Ya rabbi mana farhana bik. Ya bhal ahbab w li samia. Ya marhani li bhala famia. Ya bhal ahbab w li samia. Ya marhani li bhala famia. Ya Samira dans le fond, j'ai besoin d'un coup de bol. Des potes au fond, des parfums, les mariés la coupe. Casse ton danse dans le rond, perds pas la cadence dans le son. Hey bien, on est tous un peu algériens dans le fond. NMG, Justin, Rico. Ça fait du bruit, tu valides, ça fait parler. Quoi, tu veux pas avouer tes

c'est Rail Suprême. Oublie tes tempos. Vas-y, viens, arroi, arroi. Vas-y, viens, achetons, achetons. Tous mes plaques, mes

soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Yeah.

sur la file de droite, j'suis pas pressé, j'suis en cause va. J'm'arrête tranquille sur une aire de repos. Petit t-shirt en scred et un petit dodo. Sur un fond DJ Case, à l'aise. J'vois tous les jeunes de France sont devenus balèzes. Pas dans la concurrence, j'ai passé l'âge. Eh les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, j'suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des porte-bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les Red Bull. On chante tous en cœur, frère, on est dans notre bulle. Arrivé devant le bateau, j'vois que t'es marocain. J'en ai l'odeur du bled, ça y est, j'suis bien. Pour je l'aime, mais y'a que j'adore. On s'arrête au resto, ça fait une bonne grillade. Les vacances commencent sur un fond rigolade. Tête fatiguée, la route m'a tué. Encore quelques kilomètres et on est arrivé. La famille nous attend, ils sont tous préparés. On te raconte la route du bled, autour d'un pont. Rai Suprême. Skyrock.